quand plus rien ne va, quand le ciel n'est pas bien beau, quand la mer sent le caca et que tout part à volo. Pour me remonter le moral, j'ai un système pas banal. Je souffle dans un tuyau, je souffle dans un tuyau. Quand le chômage crée plus d'emploi, quand les chiens sont tous à bout, quand les carottes sont trop cuites et les capitaux en fuite. Pour me remonter le moral, j'ai un truc original. Je souffle dans un tuyau, je souffle dans un tuyau. Quand la télé est en panne, quand il n'y a plus de butane, quand la bière est tiède et pue, et que les plombs ont fondu. Pour me remonter le moral, j'ai un système pas banal. Je souffle dans un tuyau, je souffle dans un tuyau. Quand le tuyau est percé, le désespoir est complet. Quand le tuyau est bouché, il n'y a plus rien à espérer. Pour me remonter le moral, j'ai un truc original. Je souffle dans un tuyau, je souffle dans un tuyau.